te plaît, ne me quitte pas. Là, c'est Alex qui te parle. Le peu qui me reste, le pic pas. Je tombe amoureux, c'est ce qui se passe. Et puis, je crois que j'ai ce manque de toi, ce gène ici, je gèle. Ces embrouilles, ces disputes, en fait, je crois que j'aime. Je connais pas ce verbe, ces histoires, ces monotonies. Plus de casse des bords, en fait, c'est pas le Monopoly. En fait, je crois que c'est ton regard que j'aime. Je craque. Si l'amour donne de la force, mon cœur, faut pas que je te serre le mal. Je vais pas te le faire. Je t'ai trouvé, je vais pas te perdre. Pars pas, s'il te plaît, je veux être l'homme de ta vie. Et faut que je fasse le père. Oublie ces faces de merde que le passé est allégué. Oublie ces phrases à pronom de nos erreurs. Faut pas qu'on fasse les mêmes. Je voudrais qu'on fasse des mômes que l'on efface. Ces mots que l'on dépasse les autres. Et bon départ, je veux qu'on épargne les nôtres. Que l'on se parle des choses qui gênent, qu'il faut qu'on stagne. Chérie, j'ai pris des places pour le grand amour ce soir. Je veux pas chez toi, il faut qu'on parle. Je voudrais qu'on soit compact, qu'on avance, qu'on s'accompagne. Tu sois ma compagne pour des années. En fait, je m'en tape, je compte pas. Je te raconte pas de story. J'avoue, sans toi, c'est horrible. M'en veux pas si on passe des larmes à ces moments torrides. J'aimerais qu'on marche au bord de la plage. J'aimerais qu'on parle, qu'on se donne ce que l'on n'a pas. J'aimerais qu'on passe de chez nos dards à notre appart. Qu'on soit dans un monde à part. Cette femme c'est mon attache, l'amour demande pas d'accord. Mais on s'y fie selon la date. J'ai passé mon après-midi passé. Des fois selon la presse l'amour a tracé. Je veux pas que l'on m'apprenne à me cacher. Moi je l'aime cette fille, je veux pas que l'on me l'apprenne à tâcher. Je veux pas que l'on me l'apprenne, je veux pas que l'on me l'apprenne à gasser. Laissez-moi planer, c'est avec elle que je voudrais caner. Je veux pas être à ses côtés pour quelques heures mais des années. Je veux souvent grimper mais vite, trop souvent gratter. Je suis pas de ceux qui trompent ou qui aiment embrasser les filles. Elles aiment aggraver les risques, elles veulent se caser. Être passionné riche, prendre ta thune, ton cœur se casser. Je peux pas tolérer, je ne rappe pas pour les rimes. J'aurais voulu marcher droit dans ces putains de chemins qui sont parsemés de rires. On rappe parce qu'on est triste, souvent envoûté par son iris. Même si parfois j'ai mal car son passé mérite. Bref, allez, embrassons-nous, tout est passé. Je t'aime, c'est tout, alors maintenant, lassons-nous.